100% Planète Rap. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français juste après Difool comme chaque vendredi soir. J'espère que vous êtes bien posés, calés, en bagnole, en vadrouille, chez vous, à la maison. Avec le son de la nocturne 100% rap français, j'attends vos messages, allez-y, hein, bombardez de messages 41759. Le hashtag la nocturne, le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio et on va débuter avec une double. Celui qui débarque dès lundi 20h-21h à pas louper, c'est l'événement, l'album événement. Le bruit de mon âme qui sortira aussi lundi, on pourra le découvrir avec des freestyles inédits toute la semaine prochaine dans Planète Rap. Caris par deux fois avec Zo pour débuter. Et puis un extrait de son album, Le bruit de mon âme. 100% rap français, Planète Rap. La nocturne. Sortir du saut, ton cadavre est

62. Exclusivité, Skyrock. Exclu pour la nocturne furtif. C'est chaud dans la vie, tout le monde est indécis. J'ai fait des choses dans ma vie, souvent d'imbécile. Ferme un peu ta chatte portée par deux missiles. Un œuf dans chaque pièce de mon domicile. 10 piges de placard pour un homicide. Trop vaillant pour se porter sur le suicide. Laisse aucune empreinte arrache à l'acide. Tu biffes ta grand-mère et ta cousine. Tu biffes ta grand-mère et ta cousine. Je passe comme un chinois, je passe comme à l'usine. Bouteille de vodka, bloc de résine. MP3 de guerre, micro-usine. Putain chef de guerre, comment russer. Travaille les haters, travaille comme russer. Vanique et ta mère, c'est le square ici. Vanique et tes morts, on pète le score ici. Rafale dans ton beat si tu connais. Marche avec des kids, j'marche avec gros bonnet. Parle-moi pas dans le vide, mon heure a sonné. Parle-moi en liquide, par ma grosse monnaie. Gros joint de bœuf, j'ai un peu de paille. Mère toute bleue, où tu veux que j'aille. J'ai pas besoin de faire mes bails. 7,62, la taille de mes balles. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurais mon disque de platine. Bientôt j'l'aurai. 7,62, 7,62, 7,62. Calage doré, 7,62, calage doré, 7,62, calage doré, mon disque de platine. Bientôt j'l'aurai, c'est chaud dans la ville. Bah ouais m'aurais, c'est chaud dans la ville. Bah ouais m'aurais, mon disque de platine. Bientôt j'l'aurai. 7,62, 7,62, 7,62, calage doré, 7,62, calage doré, 7,62. Exo touché précis, version réelle de celle décide. SM, Scud, Samoud, Thomas. 11-43 collé à l'estomac. Queco, Jean Arc, placard, coma. Balance, fuyard, bâtard, trauma. Cagoule, capuche, ganté, trou noir. Équipe Bresson reprend pouvoir. C'est chaud dans la vie, tout le monde s'en bat les reins. On veut le bif, tu fais ta le bif du terrain. Punition expéditive sur un R1. Missile exocète d'un sous-marin. 9 mm dans la perle au boutin. 6 mm, laisse ça au putain. 7,62 mon premier hit urbain. 11,43 je vais au turbin. Gros joint de shit, lunettes Versace. Je fais du chiffre, ils font que j'écarte. Ta maman sniff, je fais la dépanner. Calage renif, aucun épargné. Si vous baisse, depuis des années. Du bif, du baisse, des grandes chaînes d'années. Pas de pute, pas de yes, dans ma sombre armée. Du shit, la cesse, dans nos sombres allées. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurais. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. 7,62, 7,62, 7,62. Calage doré, 7,62. Calage doré, 7,62, calage doré, mon disque de platine. Bientôt j'l'aurai, c'est chaud dans la ville. Bah ouais m'aurai, c'est chaud dans la ville. Bah ouais m'aurai, mon disque de platine. Bientôt j'l'aurai, 7,62, 7,62, 7,62. Calage doré, 7,62, calage doré, 7,62, calage doré, mon disque de platine. Bientôt j'l'aurai, c'est chaud dans la ville. Bah ouais m'aurai. Là. Planète rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. C'est la nocturne 100% rap français après Furtif. 9-2 à l'instant sur Skyrock. Le son. Gradure. Et c'est Chegué. Et Lacrim aussi. C'est une dédicace à Lacrim. C'est 100% rap français sur Skyrock. Juste après, je vous passe le nouveau Sadek qui a débarqué aujourd'hui. Je fais quoi à cette petite salope que j'avais du pain. Je lui ai dit que je connaissais deux, trois foutes juste pour plein les lèvres. S'il y a la somme, bien sûr qu'on l'élève. Élevé par les loups, faut pas qu'on nous énerve. Dis là mon chez gay, ouais que du bluff. Y'a ceux qui ont des meufs et ceux qui ont des nefs. Ceux qui ont des nefs, ceux qui ont des nefs. On était déjà vautours quand vos mères pendaient l'œuf. On boucave pas poteau devant la cour. Vous baissez vos mères, mon gros, on est là pour. Oui, les bifs font la bourre. Tu sais qu'on s'avance, qu'elle la vie par le cul. Comme ça qu'on fait l'amour, comme ça qu'on fait l'amour. Les bifs font le placard, le nez dans les affaires. Et toi dans la cam, jamais fumé de la caille. Pourquoi faire du vacarme? On a des silences, viens donc voir dans ma cave. Je sais qu'en vrai, tu rêves d'être à moi. Y'a des grosses couilles, des mitraillettes à mort. Te niquer ta mère, c'est comme ça qu'on t'aborde. Malgré tous nos péchés, y'a qu'un lac qu'on adore. J'ai fait 800 bandes, j'ai roulé 10 bêtes. 40 quelques de bœufs, 6 litres en 10 bêtes. Toujours en 10 bêtes, couleur 10 bêtes. Pick up à l'Hilder, la mère à 10 bêtes. J'te baise et tu brilles, ramène ta chatte. On met des verres de champagne pendant mes achats. Ça fils de putain, t'es le boutin. T'es fini plein, bien sûr qu'on est plein. Tu briferas bord, la vie sur le ciel. La pluie, le beau temps, j'suis Catherine Laborde. Ta soeur la putain, dis que dans 10 jours t'as pas mon putain, j'suis seul maître à bord. On a des meurs sous les vestes. Même quand je dors, je les baise. Des meurs sous les vestes. Du bif, 6 litres sous la presse. Des meurs sous les vestes. Même quand je dors, je les baise. Des meurs sous les vestes. Du bif, 6 litres sous la presse. Je fais croire à cette petite salope que j'avais du peur. Je lui ai dit que je connaissais 2-3 foutes juste pour voir ses fesses. J'ai fait croire à ce petit fils de pute que je vendais de la cesse. Je lui ai donné rendez-vous d'un goût décalibré pour prendre son père. Bah ouais, négro, je l'ai douillé. Ouais, un peu, je l'ai douillé. Le plan marchait, la tout ce qui était passé. Ouais, négro, je l'ai douillé. Une pensée pour mes frères écroués. Tous mes frères ont passé. Inch'Allah que vous sortez vite. Tous mes frères écroués. Cent pour cent rap français. C'est la banlieue, c'est la banlieue, la banlieue, c'est la banlieue. C'est la guerre, on a plus de munitions. Bang. On sait comment faire, y'a toujours une solution. Bang. Bang. Bang. Remplis la mission. Bang. Bang. Quelques suicidaires logés dans ma garnison. Bang. Bang. Regardez-nous faire, ça vous sert de punition. One love pour le bloc, pour le ghetto. Pour le ghetto. Dans ces rues, moi j'ai vu de la beauté. De la beauté. J'ai vécu dans les yeux de mes frérots. Œuvre d'art dans les couloirs du métro. Ne les laisse pas nous rabaisser. On mérite nos titres. Hein, hein. Ils croient qu'on est bêtes, mais dans nos cerveaux, c'est la fibre optique. Pour mes rios, mes los, ça miracle, les miracles. Omega, j'ai méga, j'ai mes bellos. Pour le barrio, le texte, les cités agitées. Le quartier, le cartel, le pueblo. Pueblo. Des petits aux grands, surmotivés par tous les moyens, faut les guéchons. Indépendants, organisés, c'est nous qui tirons les pédos. Panenka, je les crois pas, c'est quand même pas les médias qui vont me dire ce qui se passe chez moi. C'est pour toutes les provinces, oui. Pour tous ceux qui refusent de rester en hiérarchie, oui. Qui a c'est ce qui parle peu, oui. La banlieue le fait mieux. Banlieue, les grands artistes viennent de banlieue. Les hommes d'affaires viennent de banlieue. Les grands sportifs viennent de banlieue. L'équipe de France c'est la banlieue. On n'a pas grandi dans le bon lieu, mais au fond je me dis que c'est tant mieux. Car c'est ici qu'il y a des trucs à faire, des trucs à faire. Qu'il y a des choses à prendre, des choses à prendre. Qu'il y a des choses à faire, des choses à faire. Qu'il y a plein de trucs à vendre, ici qu'il y a des trucs à faire, des trucs à faire. Qu'il y a des choses à prendre, des choses à prendre. Qu'il y a des choses à faire, des choses à faire. Qu'il y a plein de trucs à vendre. Tiens, tiens, la banlieue c'est dangereux. La banlieue c'est dangereux. La banlieue c'est dangereux. La banlieue c'est dangereux. Tiens, tiens, la banlieue c'est dangereux. La banlieue c'est dangereux, banlieue c'est dangereux, banlieue c'est dangereux, banlieue, banlieue, banlieue, banlieue, banlieue. J'écoutais NTM, Lunatic Arsenic, la mafia qu'un free. Ils ont tout niqué, j'en suis ravi. Ni ni ni.

penser. Mais je pense qu'à brasser, c'est plus fort que moi. À cause de mon passé, j'ai le cœur noir. Mais l'onda d'Aaron gravé sur le bracelet. Il parle d'avant, mais avant quoi? T'es sur le bon poteau, j'ai l'avant-droit. Ta vie, on s'en bat les couilles. On va tous partir un jour, mais toi, tu vas partir avant moi. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça évite de savoir qui te l'a mise. Après, chacun sa hive, pas ça sur le palier. Garde ta courage, j'ai le mental d'un pianiste. J'suis venu pour la recette. J'prends ton bif et j'me bats à Phuket. T'as les gâteaux, sayonara, après, j'm'en bats. J'te laisse la grosse pute qui tient la poussette. Qui tient la poussette. La vie ne fait pas le moine. L'argent fait le beau gosse, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, je veux une grosse pute à l'arrière d'une Rolls Royce. Dis avec qui tu traînes, petit fils de chef, je te dirai tu suces qui t'es qu'une. Salope en le boudin, pose ton bout de grosse putain, sans le Suzuki. Entre la planche et l'or noir, si tu veux jouer, alors on joue, on monte sur un coup, tu pars sans dire au revoir. On te braquera sans dire bonjour. Ce café corrompu, bah alors payons-le. On m'a dit, poteau fumé-tu, j'ai répondu, bah espérons-le. Ya tú sabes, partido latino. Represento for life el barrio. Salamalecum, hola gringo. Salamalecum, hola gringo. Ya tú sabes, partido latino. Represento for life el barrio. Salamalecum, hola gringo. Salamalecum, hola gringo. Sabes cómo en el barrio este negocio. Todos los locos quieren dinero, fratelo. Dile que andamos bien cabrón. Mucha marihuana que se fuma con un fucking blunt. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mi amigo, si hay muchos enemigos, somos vivos y negativos. Andamos en el barrio bien prendido. Pregúntale a mi primo si hay un lío. Tú sabes cómo es, tú sabes cómo es. Tú sabes cómo es. Ya tú sabes, bandido latino. Represento for life el barrio. Salamalecum, hola gringo. Salamalecum, hola gringo. Ya tú sabes, bandido latino. Represento for life el barrio. Salamalecum, hola gringo. Salamalecum, hola gringo. Planète Rap. Que je dis depuis tout petit, je fais du sale. Du sale, du sale, du sale, du sale, raquer du sale. Sortez les outils que pour faire du sale. Du sale, du sale, ta cache est un ambicane. Elle sait que leurs outils, elles aussi font du sale. Du sale, dans le club on fait du sale. Madame la juge, j'ai fait du sale. Camé armé, mes potes inspirent Tarantino content. T'as de la chatte, t'as du cul, c'est tarte au poil ou tarte à teint. Trop clair pour que je t'appelle négro couillon et du fond de teint. J'ai shooté la teinte, Brigitte Bardot pleure mes anneaux en teinte. Tel un beau logo, je rêve d'éplucher toutes ces bananes plantant. Pour mon père foré avant Nabila, c'est Husky le plantant. Rap, Kev et Sky Glove, plus chaud d'un père prend content. Ont-il les couilles de sauter sur plus électrique que Blanca. On va les encastrer dans le ciment, en faire plein de duplicata. Pas de patati ni patata, que des grosses patates de patata. Fume-moi comme la baisse, fume-moi comme le baisse. Collagène tes lèvres, silicone tes fesses, fume-moi comme Kanye West. Sale, du sale, du sale, du sale, j'en fais du sale. Pense que ce que je dis depuis tout petit, je fais du sale. Du sale, du sale, du sale, du sale, rien que du sale. Sortez les outils que pour faire du sale. Du sale, du sale, la cache est un ambicane. Elle sait que leurs outils, elles aussi font du sale. Du sale, du sale, dans le club on fait du sale. Madame la juge, j'ai fait du sale. J'ai présenter tous les rintés jusqu'à niquer la santé. Je m'invente pas de vie, même ma vie m'aurait pas inventé. J'ai mes entrées là où se font éjecter acteurs oscarisés. Ni jeans slim, ni héroïne, hétéro pour terroriser. C'est fait que le bobo, je suis pas votre blague de service. Ré, ré, joue de la mitraillette, tel un guitariste. Sorti du hep, s'ils veulent que j'y reste. J'suis dans les crampons de CR7, eux dans les chaussettes, t'as l'ingireuse. Enfance difficile, infernale et la machine. J'ai pas connu l'équitation, j'suis pas vos bad boys fragiles. Cœur, on les fascine, invité d'honneur. Défilé de mode official Kyra, check mon bras d'honneur. Du sale, bien fait du sale. Moi c'est ce que j'dis depuis tout petit, je fais du sale. Du sale, du sale, du sale, du sale, rien que du sale. Sortez les outils que pour faire du sale. Du sale, du sale, la tata chez Danobican. Elle check leurs outils, elle aussi font du sale. Du sale, dans le club on fait du sale. Madame la juge, j'ai fait du sale. C'est le hello, hello, mais où est Ro? J'retombe toujours sur mes pattes et j'vous mets oh. Je suis coupable, j'fais le bon, car j'm'en bats les clés, oui. Liberta est trop le bon, j'en ai le barreau de Paris. C'est à écoute, trop de marabouts sur les côtes, j'fais le nécessaire pour sortir les miens de la mer sur un yacht. Plus c'est jaloux, souhaite ma chute, plus j'la fais de l'ombrie, non pas le truc. Juste un buzz de langue de pute, ma Ferrari leur casse le huc. Sale, du sale, du sale, du sale, j'en fais du sale. Moi c'est ce que j'dis depuis tout petit, je fais du sale. Du sale, du sale, du sale, du sale, rien que du sale. Sortez les outils que pour faire du sale. Du sale, du sale, la tata chez Danobican. Elle check leurs outils, elle aussi font du sale. Du sale, du sale, ton club on fait du sale. Madame la juge, j'ai fait du sale. Les soldats qui veulent du sale, criez sale. Les ladies qui veulent du sale, criez sale. Qu'on te fasse du sale. Première puissance de la capitale. Ousnou 9 4. Planète rap 100% rap français. Triangle Door Entertainment present. Big MC de retour dans ce game de clown aux lyrics infects. Lyrics infects, j'pète la forme, petite nymphette. Petite nymphette, j'pète la forme, petite nymphette. Petite nymphette, j'pète la, j'pète la, j'pète la, j'pète la, j'pète la, oui. Aïe, ça la vista puto. T'as des cartes de puto. T'es des hauts jusqu'au sommet de la pyramide. Aïe, ça la vista puto. Qu'est-ce que j'aime remuer le couteau. Dans la plage, je pèterai le million sans Foucault. Aïe, ici sur le marbre du living. Aïe, ça s'en face au miroir. J'inspire à la victoire depuis le vinyle. Je suis de luxe, leasing sont dérisoires. Azul, Paname, c'est devenu Palerme. La dictature du paraître. La drogue dure, la fiche, le nez palais. Le goût du sang sur le palais. Pélo, viens rentabiliser ta com. Bouffe mes chaussures devant le Hellhook. Non, je poserai pas sur ton album. Je donne pas de confiture au Hellhook. Je vois les montres religieuses, je crois qu'elles veulent du pain. M'ensorceler dans un hôtel vert du blanc. Des fois la célébrité, ça casse les burnes. Mais quand je claque du pif, ça fait du bien. Je me suis abdupé. Isolé dans mon triangle, isocèle, seul au monde à la Crusoe. Je n'ai jamais lancé de SOS. Tes rappeurs sont sous S ou camisolés. On ressort les cheveux grisonnants. La moitié d'une vie emprisonnée. Calibré sous le collant, j'ai vu la rue nous empoisonner. La magie, encore un phénix sur le terrain. J'arrache le bitume, ma bitch agrippe mes dorsaux sur le R1. Mon daron, c'est pas Gucci. Si tu suis pas la tendance, t'es rien. Je ne suis dans aucun registre. J'arrive de partout sur terrain, maudite insomnie. Shit, ces bigots sont tout pleins de démagogie. Bitch, la gloire a toujours tenté de m'approcher. Snitch, anti-communautaire mais fier de mes origines. Shit, ferme la gang pour qu'ils te laissent opérer la magie. Rap 100%. 100% rap français. L'Absolabs dans la nocturne. Et passe à 10. Ça se passe entre nous. Passe à 10. L'argent reste dans ma banque. Passe à 10. Tu cours après la balle. Rien que tu suces, tu casses l'un d'entre nous, c'est toute l'équipe qui tombe dessus. Yeah. Passe à 10, passe à 10, passe à 10, passe à 10, passe à 10, passe à 10, passe à 10, passe à 10, passe à 10, yeah. Passe à 10, voilà. Passe à 10, passe à risque, qui pond sur les condés, tiens ma bite. T'interceptes mon ballon, t'as décroché la lune. Tu t'es mis sur ma route. Je t'habille, je représente le mot business, le mot deal. Du mot monnaie, je suis son synonyme. Mon son tombe comme ma drogue, Caroline. Je suis sur mon terrain, sur la scène de crime. Yeah, je suis dans la médecine, yeah, je suis dans la médecine. Yeah, je soigne la ruelle, elle soigne mon pécule. Freul, ils me veulent, elles me veulent. Toute courbée n'y peut rien. Sans aucun doute, je vends quelque chose de réel. Tu m'écoutes, je te vends quelque chose de réel. Quelque chose qui a du goût, yao. Elle est verte, elle est blanche. Ils sont violents si ils sortent de ma poche, frère. Ça se passe entre nous, passe à 10. L'argent reste dans ma banque, passe à 10. Tu cours après la balle, rien que tu suces. Tu casses l'un d'entre nous, c'est toute l'équipe qui tombe dessus, yao. Passe à 10, passe à 10. Passe à 10, passe à 10, passe à 10. Passe à 10, passe à 10, passe à 10. Passe à 10, yao. Passe à 10, voilà. Passe à 10, passe à 10. J'imagine pas, je sais que chez toi c'est la crise. Je ne plaisante pas, tout ce que je veux, je me l'autorise. Passe à 10, yao. Passe à 10, voilà. L'argent reste dans mon gang, l'argent reste dans mon équipe. L'argent circule librement lorsqu'il circule dans ma team. L'argent, c'est la machine qu'il compte à ma place. Big Lab Solar, j'bosse en live du boulard, j'bosse en live de Mac. Je ne m'arrête pas encore, moi si je suis au head. Fonctionnaire de la Zanka, fonctionnaire de la street. C'est un setup, j'rappe, je le fais mieux que toi. J'bite, je le fais mieux que toi. La street elle est avec moi elle tire sur toi. J'rappe, je le fais mieux que toi. J'bite, je le fais mieux que toi. La street elle est avec moi. Passe à 10, on se la fait sur toi. Ça se passe entre nous. Passe à 10, l'argent reste dans ma banque. Passe à 10, tu cours après la balle. Rien que tu suces, tu casses l'un d'entre nous, c'est toute l'équipe qui tombe dessus. Yeah. Passe à 10, passe à 10, passe à 10, passe à 10, passe à 10, passe à 10, passe à 10, passe à 10, passe à 10, yeah. Passe à 10, voilà. Planète Rap, 100% rap français. Une de Benguerie, Monsieur De Beng, avec Dadju et Esprit Noir maintenant. Le morceau s'appelle Bye Bye dans la nocturne. Ce que je vois n'a rien d'un conte ou d'une fantaisie. Je crois qu'au fil du temps je l'ai saisi. Sache que la rue a fortifié mon ego. Naïf, je nous pensais vraiment tous égaux. Parfois, mes gars va tomber dans des bises illégaux. L'état qui triche, tu veux qu'on reste réglo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. côté de ce qu'il y a dans mon angle de vue. Nous on rame dans la merde parce que tu donnes ton cul. On vit de l'art de rue, chez nous y'a pas de revenus. Certains ont visé la lune et ils sont parvenus. Mais ne sont pas revenus. En gros, toutes ces heures de colle ne nous ont pas retenus. Je disais au prof d'anglais, de quoi me parles-tu? Chez nous, ça sort le silencieux, ça ne parle plus. On connaît les perquises, matraqués par les déquises. Tu tombais dans nos filets, on traquait tes tennis. Car en manque d'espace, très peu respirer, respect. En manque d'espèces, très peu respire. Des fois pour du pain ça compte des centimes. Obligé de jeûner quand y'a du porc à la cantine. J'ai des projets futurs mais mon passé me suit. À présent on me fuit et oublie qui je suis. De Ben j'ai la vingtaine, j'ai fait le tour de Paname. Je sais qu'il faut hancher pour entrer dans les annales. C'est gonflant, je veux pas percer en me faisant pistonner. Ni crever dans mon trou avec un pistolet. Si t'as des révélations, fais des concessions. Des prêtres demandent des fellations pendant les confessions. Y'a des propositions, je suis en opposition. Je veux pas me faire baiser donc je prends position. Toi n'a rien d'un conte ou d'une fantaisie. Et je crois qu'au fil du temps je l'ai cessé. Sache que la rue a fortifié mon ego. Naïf je nous pensais vraiment tous égaux. Parfois mes gavas tombent dans les bises illégaux. L'état qui triche tu veux qu'on reste réglo. Bye bye. J'ai beau chercher, y'a toujours pas de taf. Et mon voisin du dessus, le pauvre, n'a toujours pas de faf. Et ces petits du quartier dans le foot rêvaient de percer. Maintenant c'est la drogue douce le soir qui vient le percer. Cousin, je viens d'une époque où les professeurs ont des photos d'ados dans leur processeur. De plus, leur politique ne cesse de reculer. Maintenant voter c'est faire une queue pour se faire enculer. L'Afrique, c'est guerre, c'est militaire, armée. Comprends pourquoi mes frères traversent la Méditerranée. Gabos, la rue te cueille à la naissance. Te fais faner à Floride et l'adolescence. Je vois des darons stressés, le daron parti. Pressé, qui laisse traîner leurs gosses sur le parking. On s'était dit que dans 10 piges, on aura le flow. Dans un teddy body kiss, Paul aura le flow. Par manque d'intelligence, de calme, de vigilance. La plupart des types craquent, braquent la diligence. Paris l'incandescente, le tumulte descente. Le tumulte décès. Le vacarme des détentes. Et j'entends même au loin les ambulanciers. Une mère pleurer son fils, des blessures pensées. Des familles à plat ventre, en mauvaise posture. Car l'état joue les sourds là où les gosses hurlent. Toi n'a rien d'un conte ou d'une fantaisie. Et je crois qu'au fil du temps je l'ai cessé. Sache que la rue a fortifié mon ego. Naïf, je nous pensais vraiment tous égaux. Parfois, mes gavas tombent dans les bises illégaux. L'état qui triche, tu veux qu'on reste réglo. Bye bye. La rue m'a percé dans ses pas. Et m'a dit non quand j'ai voulu partir. Et j'ai vu du sang dans ses draps. Bien évidemment, j'ai dû partir. Ils aimeraient tous rapper comme moi, donc jusqu'en cabine, ils m'expliquent.

Comme toi, je rentre plus qu'un pion dans une machination qui me dépasse. Je ferai la révolution après-demain, garde-main. J'ai un rancard avec une de ces. Je roule avec des frérots érudits et des illettrés. Pour la plupart 9 millimétrés. 9 millimétrés. Pour la plupart 9 millimétrés. Je roule avec des frérots érudits et des illettrés. Pour la plupart 9 millimétrés. J'attends que la banque m'envoie mon nouveau chéquier. Que les entiers récupèrent leur terre au béquet. C'est vrai pour eux, mon frère. Si tu m'amènes jamais, j'ai encore tiré sur son père. Mais faut jamais dire jamais. Je viens du dehors, Igo, je viens du dehors. Je suis pas obsédé que par l'argent, non, Igo, je veux aussi de l'or. Yeah. Je n'ai pas vraiment besoin qu'on s'aime, non, je n'ai pas vraiment besoin qu'on s'aide, non. Je vois l'humain d'un très mauvais œil. Certes, je vous le concède. Yeah. Je connais la street et ses vices. C'est 666 fois sans faire de l'oseille. Ouais, je suis bien sûr que c'est de la frappe. Tu peux ou la fumer ou la prendre par le zen. Donc sors ta pesette, vérifie bien que le compte y est. Et file-moi fils à mes billets que je me barre de ce qu'est pied. J'ai comme l'impression d'avoir été suivi. Poto, je me sens épié. Je pense à mes frérots qui croupissent en geôle. Nos soirées à se taper, des fous rires dans le bol. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas planifié pour se payer des jantes chrome là. Via tous autant pour donner des leçons. J'perds un pour mes jobs aussi j'ai dans les coins sombres. Bah, Argon, Salmonry, la ce soir les blows, rifle, ça on sait le place des Jackson. Yeah, le dehors nous a rendu froid et calculateur. J'appuie sur la dalle P, fuck le régulateur. Je roule avec des frérots érudits et des illettrés. Pour la plupart 9 millimétrés. 9 millimétrés. Pour la plupart 9 millimétrés. Je roule avec des frérots érudits et des illettrés. Pour la plupart 9 millimétrés. J'attends que la banque m'envoie mon nouveau chéquier. Que les entiers récupèrent leur terre au béquet. C'est vrai pour eux, mon frère. Si tu m'amènes jamais, j'ai encore tiré sur son père. Mais faut jamais dire jamais. Je viens du dehors, Igo, je viens du dehors. Je suis pas obsédé que par l'argent, non, Igo, je veux aussi de l'or. Je suis pas obsédé que par l'argent, non, Igo, je veux aussi de l'or. Je suis pas obsédé que par l'argent, non, Igo, je veux aussi de l'or. Je suis pas obsédé que par l'argent, non, Igo, je veux aussi de l'or. Je suis pas obsédé que par l'argent, non, Igo, je veux aussi de l'or. Rap français, planète rap. La nocturne. Caris, c'est reparti pour deux morceaux de Caris en l'attendant dès lundi entre 20 et 21 dans Planète Rap pour découvrir son album Le bruit de mon âme. Caris par deux fois dès le départ pour débuter. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Yankee, Yankee, oh non.

ton cul, ta femme et ta progéniture, telle mère, telle fille. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Faut que smic, faut que smic, faut que smic, faut que smic, vend de la drogue, faut que smic, faut que je mange. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage et tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques. Gros billet sur ton gros cul, ton gros cul, ton gros cul n'est qu'la face cachée de l'iceberg. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, viens avec la haine, pas avec la rage. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. 2-7. Planète Rap, 100% rap français. Snap pas ton flow, donnes-tu du copyright? 9 de OG, champ de bataille, Iran, Irak. Tu parles à qui ici, tu prends du rack. Tout bip dans ma street, les schlags demandent du rap. La quincaillerie à raquer. Coup de coude dunk dans leur mère comme ferait Joaquin. Comme l'acmi dans le maquet. Passe contre terre du mal, ils verront les racer. Delta Joker, Ego, Negro, Malikal, mort. Qui vient me juger, dis-moi quelle est ma note. Kilogramme de roro négro comme un Fort Knox. Condamner la rue, avale la clé de menottes. OG gang, OG gang. Mon aide en crack, comprends one. OG gang. 9 de 1 double zéro, négro OG gang. Beaucoup de victimes, black on black, crime négro OG gang. OG gang, OG gang, OG gang. On est dans le crack, comprends one. OG gang, 9 de 1 double zéro, négro OG gang. Beaucoup de victimes, black on black, et négro OG gang. Montagne de billets, comptage de billets, comptage de billets, collage de billets, tout pour le billet. La bibi y est, remplie de billets. OG va crier, jamais maquillé, noir Jackie enculé. Rien est acquis en kaki, moi qu'a chillé. Bye me dem, OG game. Tel un diamant sur un disque, OG dem. Des fois rayé, mais c'est le risque, OG game. Oh oui j'aime, la witcher. Comprends mon flow, buzz plus, OG cruiser game. Petit textile, j'inonde sur les ondes. Si je m'appelais, c'est Hiroshima bombe. Piro, chiré, climat, tombe. Négro, shima, bombe. Piro, chiré, climat, tombe. Négro, shima, bombe. OG gang, OG gang. On est dans le crack, comprends one. OG gang. 9, 2, 1, double zéro. Négro, OG gang. Team black on black, crime négro, OG gang. OG gang, OG gang. On est dans le crack, comprends one. OG gang. 9, 2, 1, double zéro, négro, OG gang. Beaucoup de victimes, black on black, crime négro, OG gang. C'est la nocturne 100% rap français. Avec Jay, avec Mala, à l'instant, dans la nocturne 100% rap français. On va rester dans le 9-2, furtif 9-2 sur Skyrock. C'est ce qu'on va écouter maintenant. Et puis il y aura le nouveau son de Cynic aussi, avec un album qui est prévu le 13 avril prochain pour Cynic. La planète rap sur Skyrock. Nocturne. Shkala, shkala, shkala. Furtif. 62 Kalash, exclusivité Skyrock. Kalash. C'est chaud dans la ville, tout le monde est un des

grâce au crime, au football ou à la boxe. Taille, spliff à la bouche, nique tous les honneurs. Tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Au royaume de la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe. Taille, spliff à la bouche, nique tous les honneurs. Tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Quand on est jeune, on veut rapper sa ville. Paradoxal, rester ici à 35 piges, j'appelle rater sa vie. Bagarre au verre pilé, faut assumer, on dit aux petits de pas fumer. Ce qu'on préfère, nous c'est les faire dealer. Ils prennent la peine de mort, ces fils de chiens, ils ont le même harnais. Ils coupent la main qu'ils ont eux-mêmes armée. Donc ils crient liberté, port d'armes. Les calages deviennent moins rares que certaines Jordan. Gire, de quoi souiller son linge. Contradiction, c'est le frère dans l'addiction. Tu parles de Dieu en train de rouler son ouinge. Pas de raison valable. Contradictoire comme un Le Pen au rayon halal. Le royaume de la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe. Taille, spliff à la bouche, nique tous les honneurs. Tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Au royaume de la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe. Taille, spliff à la bouche, nique tous les honneurs. Tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Planète Rap, 100% rap français. Posé à zoner dans le quartier comme dans ma paire de Air Max. Tu me donnes des thunes, j'arrive en T-Max. Posé à zoner dans le quartier comme dans ma paire de Air Max. Tu me donnes des thunes, j'arrive en T-Max. Goûte à cap, pas de map de R. Monte en l'air, faire faire ton lent. Démonté. Check ta seum, t'es trop lent. La rue, ça ne rigole pas. Tu seras roué, coup. On te marchera dessus. S'il peut pas, se rythme pas. T'es tout le temps à genoux. T'es pas debout. On tient, on joue. Coup de grand sur la joue. Fils de pute, prends cette rafale. Essaie de faire Siricou. Blah. What's up, fou. Blah. T'es mort sur le coup. De l'underground, j'suis le king. Grand et green is you. Pour de vrai, tu sais que le béton du quartier est collé à mes semelles. Sur le terrain, ça ne joue pas. Nos drames arrivent tous les jours de la semaine. Azelé dans mes Air Max. Totalement relax au max. Coquine et nerfou, après un mappé. Roule un putain de grognard. La vie de rue laisse des traces. Mes négros sont en fucking place. T'es pas mieux que mon négro et tes papillons mangent un putain de coup de schlasse. Et mes négros débouleront en T-Max. Mad Max. Posé à zoner dans le quartier comme dans ma paire de Air Max. Je me sens relax. Tu me donnes des thunes, j'arrive en T-Max. Direct en T-Max. Posé à zoner dans le quartier comme dans ma paire de Air Max. Je me sens malade, tu me donnes des thunes, j'arrive en T-Max. Et direct on t'efface. Tous mes hommes sont hors normes, les tiens sont remplis d'hormones. Crois pas que ça dort, dans le corps plus qu'un homme. Esquive les ch'tards avec des passements de jambes pour rester dehors. Mort aux vaches sur les murs, criant tu l'étais mort. Y'a pas que de l'air dans mes poumons, j'respire un max de pilon. Testostérone dans le pantalon, maintenant trois piges que j'suis patron. J'vais te scarifier ta peau, faire un pet de tatou. Une virgule sur chaque joue, comme sur celle de ma chouse. Posé à zoner dans le quartier comme dans ma paire de Air Max. Tu me donnes des thunes, j'arrive en T-Max. Posé à zeler dans le quartier comme dans ma paire de Air Max. Tu me donnes des thunes, j'arrive en T-Max. Posé à zeler, insolent, sous le soleil violent. Est-ce qu'on doit l'isoler? C'est selon. Fais des roues en soleil sans sol. J'ai mon parasol, un grenillard du sun sous le sol. J'suis pas seul. Ici c'est la terre, mer, merde, les rappeuses. Ici c'est les gars, chez moi, leur bif, son chine pour le bif. En enterrement, le bif, c'est la guerre. C'est pas ouvert, y'a pas quatre chemins. J'utilise le sous-poids, tire le viseur. Jalousie dans le rétroviseur. J'ai Air Max, isé, attisé, à briser les lois. En GT, ah, on vise les zones grises en mode GT. Ah, sans boussole, j'suis né seul, j'me tasse seul, je vis seul et j'partirai seul. En solo, mon linge là, mon linge à côté. Un pseudo qui doit détruire, j'arrive en pseudo. Posé à zeler dans le quartier comme dans ma paire de Air Max. Je me sens relax, tu me donnes des thunes, j'arrive en T-Max. Direct en T-Max. Posé à zeler dans le quartier comme dans ma paire de Air Max. Je me sens relax, tu me donnes des thunes, j'arrive en T-Max. Et direct en T-Max. Posé à zeler dans le quartier comme dans ma paire de Air Max. Je me sens relax, tu me donnes des thunes, j'arrive en T-Max. Et direct en T-Max. Posé à zeler dans le quartier comme dans ma paire de Air Max. Je me sens relax, tu me donnes des thunes, j'arrive en T-Max. Et direct en T-Max. LMC Click dans La Nocturne, 100% rap français. Air Max, c'est le nom de ce morceau, La Nocturne. Avec Gradure et Alonso par deux fois. Le match aller, le match retour, ou le match retour et le match aller juste avant. Des extraits de l'album d'Alonso et Gradure maintenant sur Skyrock. C'est la Nocturne 100% rap français. Il y a BOZZ qui se prépare aussi à écouter et à découvrir dans un instant la Nocturne. Avec encore une grosse demi-heure de son 100% rap français. Planète Rap, 100% rap français. Quatro mami. Ouais papé, on va leur montrer comment on donne ça dans 13 et 5-9. Brrra. Ouais, papé, checké. J'avance pas, de Tosma, paye cash, sinon je cause pas. Paye cash, sinon elle couche pas. Chroma, Redma, trop d'éther pour un match amical. Balle dans la tête, tu comprends qu'on ne joue pas. C'est comme ça, j'donne ça. Boucave dans le coffre de la Gova. Regarde-moi ces clowns à la télé. Pas un euro en poche, trace TV. Oh non, y'a les alligators et les lézards. On mange pas la même part, pas la même appétit. Coro. C'est pas parce que tu montes la voix que tu as raison. Viens dans le 1-3, le CZ, donc raison. Hachek, j'te raquette ta plaquette. L'air au vent à 37, 5, la loi du pilon. 13, 14, 15, 16, on nique tout. C'est pas les mecs en costard qui contrôlent. À la tête d'un terre-terre de bambou. Mon voisin est recherché par Interpol. Pactole, pétrole. Des mini quand on retrouve à Brignol. On sait que l'oseille, ça raffole. On sait qu'en Espagne, y'a des grosses folles. Comme rien de nouveau, c'est mon ennemi. Mon sang vient de Fumbuni, les armes sont de Bosnie. La daronne prie, frère en zombie. 4 ou 5 piges, vous les mains, on attend la conduite. Ah oui, on donne ça, on donne ça, on donne ça. On fait, viens, elle vient, Dolce, on donne ça. Un condé à terre, oui, on aime ça. Le chèque et le papier, ça donne ça. Je donne ça fort. Cardio, papé, sur le beat, des gros kicks à fond. Je donne ça, lobe ça. J'abaisse comme un bâtard, je fais comme ça. Je donne ça fort. Putain merde, fume-moi cette putain d'air. Avale tous ces bâtards qui veulent parler négro, c'est des putain de merde. Putain de merde, ouais c'est des putain de merde. Papé dealer, c'est des putain de merde. Thomas, Mili, 5,56 en double, je mets toutes ces putains de terre. Putain de terre, quand la haine vient, rebeu, fais ta maille. Quand la pute vient, Yama, pète ta maille. Bah les couilles des prods, négro, pète la barre. Bah les couilles des prods, de leur peine à la putain de barre. Baisse-lui sa mère si ce fils de putain parlait. Débarque chez lui, calibre à coups de crosse comme un taille. T'as voulu faire journée avec un gros tapin, avec de michto. T'es devenu son pont, t'appuies pour volant. J'mets des gros coups de bras, ton corps en vitrote. Le mien de banane plante. Tu passes les examens à la boule au ventre. On passe les pH des kilogrammes en le même, je vais cash, négro, j'fais pas d'emprunt. J'baisse ton rap game, je laisse mes empreintes. J'donne ça fort. T'as dur, frappé sur le beat, négro, kick ça fort. J'donne ça, j'lave comme un bâtard. Ouais, j'fais comme ça, ouais. J'donne ça fort. Papé, shaggy sur le beat, négro, kick ça fort. J'donne ça, lave ça. J'lave comme un bâtard, gros, j'fais comme ça, ouais. Donne ça, j'donne ça, lobe ça, j'donne ça, lobe ça. J'te baisse comme un bâtard, je fais comme

petit truc à te dire. En BPM je voulais te l'écrire. En vrai de vrai je voulais te le dire. Car je suis tombé sur ta messagerie. Elle t'a parlé de moi ta copine. Car c'est ma pote, dis-moi ce qu'elle t'a dit. Qu'on rigole un peu, que j'introduise notre relation ami-ami. Dans ma tête j'ai déjà mon objectif. Je pense que tu sais mais tu fais comme si. Tranquille comme on aime bien dire ici. Force pas, tout se fera au feeling. J'avance, suis-moi dans la street. Confiance, je suis qu'un artiste. Doucement, je parle pas trop de ma vie. Méfiance, tu sais ce que l'on dit. Attis, c'est ici que j'habite. Connu pour des faits de musique. Et toi, dis-moi ce que tu kiffes. Tes valeurs, aussi tes principes. Ok, c'est du positif. Je crois que nous deux, ça a l'air d'être piste. Je m'enflamme pas comme sur la piste. Mais j'ai confiance en notre story. Il me plaît du haut niveau. Je me dis que je dois rester moi-même. Sinon c'est hoche. Dis-moi c'est quoi ce genre de go qui te met off. Je prends mon courage à deux mains. Faut que je l'approche. J'avoue que celle-là elle me plaît. Du haut niveau. Je me dis que je dois rester moi-même. Sinon c'est hoche. Dis-moi c'est quoi ce genre de go qui te met off. Y'a que quand mon pote l'appelle qu'elle décroche. Temps à perdre, tu fais quoi demain? Je vais pas passer par quatre chemins. Respect c'est la base ou rien. Y'a pas de honte à se faire du bien. Je passe te voir à ton taper, ça craint. Passe pas au studio si on est plein. Normal car t'es ma protégée et faut que tu le saches bien. J'en ai parlé à mon gars sûr et il t'a validé. Comme si t'étais pour nous deux, t'allais te départager. Drôle de mentalité, quand on y repense c'est nul. Pour ceux qui assument leur couple, mais n'abusent pas dans la rue. Depuis pudeur, tu m'accuses, v'là notre première dispute. Et quand on se remet ensemble, l'impression d'être au début. Les sentiments m'ont eu, en BPM je suis foutu. Si c'est idem, t'es la bienvenue, voyons-nous dans ce temps perdu. C'est du lourd, du haut niveau, une chemise, des baskets pour être un peu plus beau. Dis-moi c'est quoi ce genre de go qui te met off. Résultat aujourd'hui on est un peu plus proche. Premier rendez-vous c'est du lourd. Du haut niveau, une chemise, des baskets pour être un peu plus beau. Dis-moi c'est quoi ce genre de go qui te met off. Encore un petit effort, c'est dans la poche. Je t'emmènerai loin de la city. Si entre nous c'est oui pour la vie. Pour l'instant c'est que des sorties. Car je me m'attune dans la musique. J'ai une mission à terminer bébé. Je vais te mettre un peu de côté. Ma phrase préférée, avant toi je l'ai rencontrée. Va falloir l'accepter, mettre de côté la fierté. On se dit les choses pour avancer, on se dit les choses pour progresser. Aucune règle on a transgressé, nos sentiments sont associés. Les rageux veulent nous dissocier, avec leurs prétextes insensés. Discrétion oblige, tu sais, c'est notre secret d'accord. Essaie de faire le nécessaire face à la misère affective en effet. Car c'est vrai, je reste près de toi t'inquiète. Reste près de moi j'espère, pour la suite le destin gère. Faisons ce que nous avons à faire. Nous faire de pont, tu me parles de mariage d'enfant. Je te dis mollo, dis-moi c'est quoi ce genre de go qui est trop speed. Ou peut-être que c'est moi-même qui en réflexe. Maintenant qu'on est ensemble, calons. Nous faire de pont, tu me parles de mariage d'enfant. Je te dis mollo, dis-moi c'est quoi ce genre de go qui est trop speed. J'ai les cartes en main maintenant, faut que je décide. La Nocturne. C'est Or dans la Nocturne OR maintenant, 100% rap français. Yeah, yeah, yeah. Si la route est longue, pas de marche arrière. j'improvise, mon frère, voix de plantard. Yeah, yeah, yeah. Gucci, Louis V, grosse glace, les gros fers. Tout le monde à terre, tout le monde se couche au sol. Je lâche des bombes de toutes parts. Couche-toi au sol avant que le premier coup parte. Flashé sur la route du succès par un motard. La chance m'a appelé, je lui ai passé mon standard. Bip, bip, je suis absent. C'est moi et lui, je verserai absent. Comme vient sous, on veut du genre art. Le rap, il me harce, ceci est de l'art. Un chef d'œuvre que toute la France attend. On fait notre route. On fait notre route. On avance avec GC sans aucun doute. En espérant remplir la caisse. J'ai un côté dealer, j'accélère sans cesse. Persévère, persévère, même en temps de S. On rêve de grosses caisses de Panamera S. Avoir une belle baraque et les darons. La famille de ses parents, pour moi t'es obligé de passer pour la gagner. Sois garant, mais quand tu l'as t'es bien assuré. Prêt à assumer dans les rangs, le taf au final sera mérité. Pour le moment c'est bien marrant, marrez-vous, y'aura des RIP. Pas temps de ralentir, ni matin, t'en commets la deuxième. T'es soi-disant rappeur, Archem, pas sur deuxième. Et la tête, ouvre ta bouche. Dans un freestyle, personne ne bouge. Yeah, yeah, yeah. C'est la route et longue, pas de marche. Tous les jours j'improvise, mon frère, pas de plan car. Yeah, yeah. Gucci, Louis V, grosse glace, les gros fers. Tout le monde à terre, tout le monde se couche au sol. La route est longue, tu fais qu'entamer. Je recule plus, je peux plus freiner. Punch, flow, rap, texte, toute l'année. Où tu en es, frère de sang, t'as marqué? J'encaisse, j'avance, lâche pas jusqu'au bout. J'écris, je mets sur le deck des terres en cours. Parle pas chinois, ne fais pas des détours. Qui a dit qu'à la super victoire tout rouge, rap lourd sur cette prod, y'a rien. Le flow varie, c'est la technique, y'a rien. Dans les millions, calme pour le buzz, y'a rien. La route est longue, je le sais, y'a du chemin. Pour y arriver, c'est long, ça prend du temps. Mais la zik à fond, fond, qu'on s'en jaille pour un moment. Gros, accélère, t'as du retard. Je veux percer, mais qu'il soit pas trop tard. Apparemment connu, mais je te vois nulle part. Le flow, je le canalise, ouais, je suis à part. La route est longue, j'ai pas dit le contraire. T'as pas fait de car, ça serait mieux de te taire. J'attends les gros concerts, pour le moment, je t'affiche sur terre. C'est pas du jour au lendemain que je serai du père. Yeah, yeah, yeah. Si la route est longue, pas de marche arrière. Yeah, yeah. Tous les jours, j'improvise, mon frère, pas de plan car. Yeah, yeah. Gucci, Louis V, grosse glace, les gros fers. Français, planète rap. La nocturne. On a la revanche. On s'énerve parce que la France nous salit. On fonctionne à l'envers. On est sombre parce que nos frères salissent. Cousine Amadez, Borouchi, Z4, bombe à retardement. Si t'es pas, si n'est pas la frontière qui vient, ici t'es en plein temps. Rappeur t'es léger comme une plume, tu vas te faire emporter par le vent. Ils sont pas dans l'air du temps normal, qui disent que le rap c'était mieux avant. T'as les pieds tordus, ne fais pas tirer dans nos ratés. Passe de mon yama, la clim réglée contre l'orienté. Tu veux rester en vie, ne fais pas de chrome, si tu peux pas raquer. Elle stop moi c'est rien, yama, car même Gérard est baraqué. J'reviens classique avec des ribouk et une paire de deux frais. Validé par la street au placard, car je suis trop frais. La vengeance à plat, qui se mange pas comme les stars, j'les mets au frais. Lévis par les types, les doubas, ainsi que le trophée des orfeurs. A bon entendeur, dites à la science que j'donnerai jamais mon MSP. Satan, j'ai plus valeur calé quand j'reviens de mer. Mon sang fait mal au cul, pourtant c'est pas du rap de mer. Magique comme la cigarette dans ma chicha, j'ai mis de l'air. Un gros sang de youf, un gros sang de youf. On se fout de la gueule du diable, les niamas s'habillent en rouge. Un gros sang de youf. Un gros sang de youf, on se fout de la gueule du diable, les niamas s'habillent en rouge. Un gros sang de youf, un gros sang de youf, on se fout de la gueule du diable, les niamas s'habillent en rouge. Un gros sang de youf, un gros sang de youf, on se fout de la gueule du diable, les niamas s'habillent en rouge. Dealer, pétasse, pera, famille, tireur dans le portable. Tête à tête, regarde-moi bien, j'ai le gabarit du portable. J'ai une pétasse dans le portable, elle veut connaître le guetté, je lui ai donné de la coke. Charge du refus, le dealer, cagoulé me reconnaît, j'ai la police sur les côtes. T'es enregistrable, critique d'expo, mais essaie de faire mieux. Je vais pas la dégaine de Neymar, les négros, je vais pas ressembler un fameux. Et ta mère est une insulte freudienne, nique sa mère est polie. Je connais les équipes de nuit, un gros gros gros son pour leur bolide. J'ose dominer rap français, on a même pas les sourcils français. Méfie-toi de One Jam, psychiatrie, je suis dangereux défoncé. On fait kiffer les détenus. On fait bouger dans l'ennemi. J'entends encore les rages miauler. Vas-y, pou, pou, pou, sous l'ennemi. j'ai les bestes fast mal. Pas de dossier pour cave sur moi. On se demande si tu balances, si t'as séquestré et que tu prends 6 mois. Le point commun entre les chiens, les PD, c'est ridicule. Ils ont une queue à l'avant et une queue qui sort du cul. Un gros sort de you, un gros sort de you. On se fout de la gueule du diable, mais il y a un massacre en rouge. Un gros sort de you. Un gros sort de you. On se fout de la gueule du diable, mais il y a un massacre en rouge. Un gros sort de you. Un gros sort de you. On se fout de la gueule du diable, mais il y a un massacre en rouge. Un gros sort de you. Un gros sort de you. On se fout de la gueule du diable, mais il y a un massacre en rouge. La nocturne. Sors pas avec un Congolais ou Zaïrois. Tu risques d'être colonisé comme Kérinson. Demande à Serge Ibaka. Mes oreilles, c'est de gauche à droite, j'entends cause Nyama, Simbiki, Simbiki. Celle-ci, c'est pas un combat, Nyama, non, non, c'est un coup de belly. On fout le feu, pas besoin d'essence, j'prends le micro dans mon tépelli. Y'a rien, y'a que l'homme qui a peur, beaucoup les bonnes n'est vu que Botelli. Ta peau n'est pas du tout customisée, non, elle est chocorisée. T'as pas kické sur Strack, MC, bah ouais, t'es pas autorisé. Perso, j'ai pas entendu d'avoir du buzz, négro, pour serrer des ailes. La journée, j'bosse pour nourrir. La nuit, le soir, j'en sautais ma pelle. Chegué, chegué, chanceux, le copain, basson, la diam, ma brique, et feuille, fais-moi 22. Fais-moi 22. 2015, les gars, tu me 243, ma tongue, et tu m'y as ma safande. Haute, couture, Gucci, LV, Jean Franco Ferré. Jean Franco Ferré. Étrange en mission 2, on fait flipper vos rappeurs préférés. Je rappe si je suis possédé. On t'envoie des gros que ceci est un coup de CP. Soir, ce, je baisse Marie-Jeanne Polonais. Je fais plus la diff entre l'homme et la femme car mes tantes sont barbues. Bosse pour la mif, vente de la cam, à ma banane, on se reverra au parlu. Le dièse obèse comme Pepe Calé. Où est poissé le coupé décalé. J'ai toujours la tête d'un Sénégalais. L'inspiration on vient de loin où tu es balé. Ma daronne fait plus de bif, ton dealer, elle picrave du carreau life. Comme beauté, salope, salope, c'est 1000 la dédicace. J'ai pas attendu, la vie est belle. Pour vivre comme un fourrandou. Les êtres rares qui restent fidèles. Dehors y'a tout n'bando. J'vais tous être guinés sur du Yamato. Mata Moukolo tient de Yamato. Tout ce que je sais, tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit. Je suis hâte. Allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mousse. Bosse pour nourrir la mousse. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit. Je suis hâte. Allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mousse. Masta, masta, masta, masta, que des billets tout verts. Des billets tout verts. Je suis venu manger, imbécile. Pose l'assiette et les couverts. Encore une fois, j'ai répondu à l'annonce de monsieur Mobutu. C'est con. Si t'es pas dans le track, ça t'a dormi. La faute à la mousse, c'est con. Remix étranger en service. Je sais tes matchs. Sortez les tournevis, le feu du 100-7 et biatch. Mon buton sent le choco. Parce qu'il y a blanchiment. Car le volet, je mets du coco. Pour un drive-by gentiment. Keba, comment te dire. Mamanayo, monsieur l'agent. Plein de Zaïrois dans le game. Chez Koula, je fais toujours de l'argent. Banda Kili, Massina, Yolo, Gomeli. Mettez Kitambo, Monga, Poula, Lembanga, Bama, Tété. Si vous tirez la smoule de la bouche de mes gosses, on va tous vous maltraiter. J'rappe ça en Paris by night. Pana qui n'est pas sauté pana. Champonga qui se bat, n'est-ce pas. Maman pardonne, nanana, zo baïnoa. C'est péché Koula, c'est notre technique. J'ai des négros forts, des négros fiables, pas de dev, nigga. Ils vont commenter les barbes de Benzema. Négro la pute est blanche et la Benz est black. Séduis pas la France, chopla, chécla, chocla. Pas de choco mon négro, mais mon négro moi dans une blanche, ça devient un pain chocolat. T'as rien à dire, ferme-la, ta gueule, kanga. Regarde mes bras, c'est des kwanga. guerlin, une odeur nous abonde. Quand ils me check, ils me disent tout c'est un bon. Couteau, scorpio, stylo, poteau, je suis trop petit pour cacher un pot. Tout ce que je sais, tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit jus. Je suis pâle, allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mise. Bosse pour nourrir la mise. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit jus. Je suis pâle, allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mise. Ramène la weed et le Pepsi. Tous les clichés bitches sexy. Je me sens comme Biggie dans Juicy. Y'a mes deux et ça sent le roussi. On se retrouve vers Yann Festif. Il pleut des balles comme le Teski. Maintenant ils se mettent tous au Pingala. Si Colo, ça va pas être poison. Je traîne dans Kimla Night. J'ai vu Yamado aller au bar. Sans Goulouna, supporter des Léopards. Banera, Léla, Bisso, dès qu'on se passe sur un morceau. Pas bah, c'est qu'un bisseau, maintenant mes quinois sont trop chauds. Respecte mon travail en brûlé. J'veux gagner une table en kilo. To sali vous sala, votre tiki la zala, pesala, qu'on s'arrache en kilo. Chilo. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit jus. Je suis pâle, allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mise. Bosse pour nourrir la mise. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit jus. Je suis pâle, allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mise. Planète rap 100% explicite lyrics. C'est la nocturne 100% rap français. Avant de balancer un son de Caris qui débarque dès lundi dans Planète Rap entre 20 et 21. Alibi Montana maintenant. Je suis CZ. C'est la nocturne 100% rap français sur Skyrock. Rien que ça parle. Rien que ça enquête, gros. Je les ai sur le dos. Comme les keufs. Quand je vais signer mon contrôle judiciaire. Tu veux parler de mes Jeff, je viens dans le 93. Boycotté comme un L, car CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire, depuis 5 ans, fils. Tu veux parler de mes Jeff, je viens dans le 93. Boycotté comme un L, car CZ, je suis CZ. Semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire, depuis 5 ans, fils. Toute tête d'Itane, Materazzi, maintenant jugez ma vie. Que des rumeurs dans tout Paris, j'atterris, paraît qu'on m'a fait du scroll. Si je la prends en le vrai, quand je vois tes messages, je te réponds lol. Pas de placard pour le rap, si je fais au ballon, c'est pour la MIFA. T-A-N-T-F, panique et ta mère en T-S, tu comprendras. J'ai fait des fautes comme tout homme parce que j'ai des failles. J'ai grandi dans la cité donc j'ai mon PEP de racaille. Je me suis fait tout seul, élevé tout seul, toi t'as que de la gueule. Si t'es parti au placard, t'as dû écouter l'un de mes singles. Ce que je fais touche des gens, je m'en rendais pas assez compte. Big rap, travail, terre-terre, celui qui pousse la fonte. Il faut qu'à lâcher parce que attaquer, on se connaît nous. Faire du cri tous ces fils de pute, ils vont faire walou. Laisse-les faire du cri tous ces fils de pute, ils vont faire walou. Tu veux parler de mes Jeff, je viens dans le 93. Boycotté comme un L, car CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire, depuis 5 ans, fils. Tu veux parler de mes Jeff, je viens dans le 93. Côté comme un L, car CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire, depuis 5 ans, fils. C'est vrai que la signature m'avait rendu moins tard. La connerie de photos de Rosta, tous les trucs de bâtard. Pour te dire la vérité, y'a pas beaucoup de scram. Donc on a réduit l'équipe, perd tous les incapables. L'un de mes gars a déconné et je prends toujours en moi. C'est le mec tout fait de mi numéro 1, telle est ma vida. La réalité peut paralyser, faire crier mes dés. Y'a des ennemis près de toi les amis, faut savoir analyser. Que tu me laisses toujours garder la roue dans mon cœur. Toujours avancer sans avoir peur de l'erreur. J'ai perdu tellement des miens que j'ai le flow qui pleure. Tellement de cadavres, le cimetière est dans mon sang pleure. Tu veux parler de mes Jeff, je viens dans le 93. boycotté comme un L car CZ, je suis R depuis 5 ans, fils. Tu veux parler de mes Jeff, viens dans le 93. Boycotté comme un L car CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire depuis 5 ans, fils. Rap français, planète rap. La nocturne. 2, 7. G-R-A-N. Si je mets un costume, je ne serai jamais embauché. Je vais faire du mal pour faire des thunes jusqu'à que je sois embaumé. Bleu, blanc, rouge, je vais te baiser. Je suis venu t'annihiler. Jamais je ne serai intégré, je ne serai jamais assimilé. Regarde pas ce que je vais leur faire, parce que c'est pas très ragoûtant. Mon genre d'espèce d'éther se fait rare comme les orangs-outans. L'argent, le vice de la terre, trop envoûtant. Il m'est resté des lambeaux de chair sur les crocs engoûtants. Ces pétasses de merde me gonflent, pour moi c'est toujours le même poids. Elle prend du volume quand elle gonfle, pourquoi je fais toujours le même poids? L'éducation nationale, c'est comme une gardable. Plutôt que tu lui mets dans le trou de balle, des podcasts dans le cartable. Je reste parce que y'a v'là les Tommy. Tu dis tu t'en bats les couilles, Vas-y Tommy. Je veux de l'or partout sur le corps, malgré les tribulations. C'est pas le tout que tu sens pas, je veux gagner par strangulation. Je line pour moi et ma peine, Comme si j'étais Gucci Ben, On va dire noir dans la Audi, Galas à bonnet Raiders. Original et le OG, nique sa race à tous les haters. Sors un album qui bicrave, et les négros vont te cacher. Sors un album qui bicrave pas, et les médias vont te lâcher. J'adore que tous ces mythos périssent. J'arrose la fouffe du game et j'adore qu'ils sont crypto fleurissent. J'vais mettre du lait dans ta gorge, c'est physique, c'est pas cérébral. J'ai des billets dans la poche et dans la boîte de céréales. Mon son t'emmène sur la station spatiale. Comme un de ces putains de voyages astrales. Je sais pas comment ça va finir, mais je sais qu'un jour tout se paye. Je sais pourtant que je dois vivre avec les choix que je fais. Un gobelet dans un gobelet, je me laisse aller, je prends des bourrelets. Un cône gravé sur la joue, je vous attends fusil sur les genoux. La montée de la violence, je vais te sauter, je vais t'attaquer. Où est le bien et le mal, posséder ou partager? C'est où commence ta liberté, je sais pas où la mienne s'arrête. Je veux juste cracher ma danette dans le ventre rond de la planète. Je veux perdre des combats mais gagner la guerre, même avec des petites victoires. Tu viens d'en bas et tu connais nos misères et tu veux devenir un flicoir. Ceux qui me suivent même, les autres je les ken, c'est comme ça partout c'est la même. Je récolte ce que je sème, il n'y a pas de blême, je vais faire justice à moi-même. Je ligne pour moi et ma peine, Comme si j'étais Gucci Ben, On va vivre noir dans la Audi, Galas à bonnet Raiders. Original et le OG, nique sa race à tous les haters. Sors un album qui bicrave et les négros vont te cacher. Sors un album qui bicrave pas et les médias vont te lâcher. J'attends que tous ces mythos périssent. J'arrose la fouffe du game et j'attends qu'ils sont crypto fleurissent. De CD de R au poteau. K, double A, et qui étale sa douille. Pablito. 2-7. Dès lundi dans Planète Rap entre 20 et 21, il y a Caris qui débarque avec son album Le Bruit de mon âme. On écoutait un extrait à l'instant. C'est la nocturne, c'est bientôt la fin de la nocturne, 100% rap français. Et comme depuis quelques semaines, on va finir avec un son classique dans la nocturne. La Planète Rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Mal. J'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle, Marine.

C'est la fin de la nocturne 100% rap français. Vas-y, recommence. Voilà, 100% rap français. C'est donc grand temps de finir cette nocturne sur Skyrock. Mehdi était dans le coin. Et ouais. On a retrouvé The Quinch qui était dans le coin. Eh ouais, il était là, The Quinch. Pour cette nocturne 100% rap français, maintenant c'est Fabuleux qui va mixer rap R&B en non-stop. Prochaine nocturne dans une semaine et dès lundi, loupez pas le gros Planète Rap avec l'album de Caris, Le Bruit de mon âme. C'est à découvrir dès lundi entre 20 et 21 sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bonne nuit. Fini, ciao. Du rap et du R&B non-stop. Skyrock, rap et R&B non-stop.